Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes bien à l'écoute de Tranche d'Anar, comme tous les mercredis soirs, de 20h30 à 22h. Notre adresse, c'est le 365 Chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Ce soir, nous sommes tous les quatre réunis, ce qui est assez rare depuis cette pandémie. Ça faisait longtemps. Voilà, et ce soir, nous avons deux sujets à vous proposer. D'une part, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de femmes le savent, le 8 mars approche et c'est lundi prochain. Et il y a tout le mouvement pour les femmes en Belgique et ailleurs, et partout dans le monde. Avec une grande grève féministe qui a lieu partout dans le monde également. Et donc, on va vous parler du 8 mars. On ne va pas vous donner la programmation ce soir, mais on va vous faire un espèce d'historique sur le 8 mars, comment c'est arrivé. Ensuite, on vous parlera un peu de toutes les grèves nationales qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Enfin, d'une partie des grandes grèves nationales, des grandes manifestations qui ont abouti à des grèves nationales dans l'histoire. Et puis, on vous fera un topo sur qui est à l'origine de la grève ici en Belgique. C'est le collectif 8 mars. Qui est le collectif 8 mars ? Voilà. Et puis, en deuxième sujet, nous aurons Hans qui va nous faire un topo sur Kronstadt. Oui, les tout marraines, à fait. Les marraines Kronstadt, parce que c'est le centième anniversaire de la révolte de Kronstadt. Comme c'est le centième anniversaire du 8 mars. Comme c'est le centième anniversaire. Ah oui ? Bah oui. Bah oui, logiquement. Ah oui. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. si j'ai bien compris, ça a été déclaré par Lénine au 10e congrès du Parti communiste. Oui, mais ça a été officialisé en 77 déjà, alors. Oui, ça a été officialisé en 77, oui, c'est ça. OK. Mais ça, c'est Lénine qui a décrété en Russie que le 8 mars serait considéré comme une journée pour les femmes. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer. On va d'abord passer un morceau de musique. Donc, je mets. C'est un hymne. C'est l'hymne des femmes. Alors, attendez, l'hymne des femmes, c'est un hymne, en fait, qui a été créé. C'était l'emblème du MLF. Et ce chant avait été créé collectivement en 71 par des militantes féministes à Paris pour la manifestation du 28 mars 1971 en mémoire aux femmes de la Commune de Paris. Voilà. 150 ans de la Commune de Paris. Exactement. On fait toute l'année sur ça. OK. Fait par la compagnie Jolie Môme. C'est pas la version tout à fait officielle qui a été faite, mais voilà, c'est, moi, je trouvais que c'était la plus belle pour moi. Donc le 8 mars, donc cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes approche. Elle a été officialisée en 1977 par les Nations Unies. Et cette journée a suivi un long cheminement avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour les meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. Elle reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Alors je vais vous donner quelques dates qui ont apporté le cheminement par lequel cette journée de la femme a été officialisée. En août 1910, c'est Clara Zetkin, une militante allemande, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, et c'est à son initiative que l'idée d'une journée internationale des femmes a été lancée. Alors, il n'y avait pas de date, mais le principe était admis. Mobiliser les femmes en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat, dotées de la conscience de classe. C'est clairement une initiative du mouvement socialiste et non du mouvement féministe qui était pourtant actif à l'époque et qui s'inspire des manifestations d'ouvrières du début du siècle et s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. L'objectif immédiat est l'obtention du droit de vote des femmes. En 1911, donc le 19 mars 1911, des manifestations importantes et impressionnantes dans un grand nombre de pays d'Europe et aux États-Unis marquent la Journée internationale des femmes. Et cette date du 19 mars, elle a été choisie en commémoration de la Révolution de 1848 et de la Commune de Paris. Allemagne, Autriche, Danemark, Suisse, plus d'un million de femmes participent à des rassemblements. 45 meetings rassemblant plus de 40 000 participants et participantes à Berlin, 30 000 femmes dans les rues de Vienne. Droit de vote, droit d'occuper les fonctions publiques, droit au travail, à la formation professionnelle, arrêt des discriminations sur les lieux de travail, telles sont leurs revendications. 1914, 8 mars 1914 en Allemagne, les Allemandes demandent le droit de vote, qu'elles n'obtiendront que 4 ans plus tard, donc c'est le 12 novembre 1918. Le 5 juillet 1914 en France, les femmes socialistes organisent une manifestation qui réunira 6000 femmes qui vont déposer des primes verts au pied de la statue de Condorcet, favorable à l'admission des femmes en politique. Elles réclament le droit de vote et l'égalité politique. C'est la première journée des femmes en France. À Londres, les suffragettes, donc c'était un mouvement de femmes qui demandait aussi le droit de vote, radicalisent leur action, comme Mary Richardson, qui va lacérer à coups de couteau la statue de Vénus de Velázquez et veut détruire le portrait de cette dernière pour protester contre le gouvernement qui détruit Emmeline Pankhurst, qui est fondatrice du mouvement, dans la prison où elle se trouve. Et alors, on arrive le 8 mars 1917. En Russie, 2 millions de soldats sont morts à la guerre. La misère de l'hiver 1916-17 fait éclater la révolution. Les femmes ouvrières et ménagères défilent paisiblement à Petrograd, la capitale de la Russie à l'époque. Elles réclament du pain et le retour de leur mari parti au front, la paix et la République. Sans tenir compte de nos instructions, les ouvrières de plusieurs tisseries se sont mises en grève et ont envoyé des délégations aux métallurgistes pour leur demander de les soutenir. Il n'est pas venu à l'idée d'un seul travailleur que ce pourrait être le premier jour de la révolution. La grève s'éteint rapidement et spontanément à l'ensemble du prolétariat du Petrograd. 200 000 personnes dans la rue. La grève de masse se transforme en insurrection. Les manifestations se succèdent, s'amplifient pour aboutir en 5 jours à la chute de l'Empire soviétique. Le 8 mars se met en place et est associé à la commémoration du premier jour de la Révolution. Les femmes participent en masse aux mobilisations et leur rôle politique devient important, comme celui d'Alexandra Kollontai, première femme au monde à faire partie d'un gouvernement. Cette dernière veut briser le joug domestique des femmes en rendant la tâche ménagère collective. Le 8 mars 1921, Lénine décrète le 8 mars Journée internationale des femmes en souvenir des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Pour entraîner les masses dans la politique, il faut y entraîner des femmes, car sous le régime capitaliste, la moitié du genre humain est doublement réprimée. L'ouvrière et la paysanne sont opprimées par la capitale. En outre, même dans la plus démocratique des républiques bourgeoises, elles restent devant la loi des êtres inférieurs à l'homme. Elles sont des véritables esclaves domestiques, car c'est à elles qu'incombe le travail mesquin, ingrat, dur, abrutissant de la cuisine et du ménage. Alors on arrive, 8 mars 1900, extrait, c'est un extrait de discours de Lénine. Alors on arrive le 8 mars 1921, les communistes commencent un bombardement aérien sur la population pacifiste de Kronstadt. Le comité révolutionnaire provisoire de Kronstadt, via radiotélégramme, dit « Kronstadt libéré parle aux ouvriers du monde entier ». Nous, ceux de Kronstadt, sous le feu des armes, sous les mugissements des obus qui déferlent sur nous, adressons notre salut fraternel aux travailleuses du monde. Après, en 1945, le 8 mars devient une tradition dans les pays de l'Est, sous la coupe soviétique et dans le monde. Ensuite, enfin, encore une autre chute, dans les années 1970, étant au fil du temps commémorée et encadrée par les communistes et ses organisations satellites, telles que la CGT en France, le 8 mars va s'émanciper et devenir plus féministe avec l'émergence du MLF en France et reprendre une place symbolique importante dans la lutte des femmes. Dans les années 70, la manifestation du 8 mars est celle de la fierté. Pas besoin de revendication en particulier, d'une bonne raison, mais toutes les raisons et un plus. Et les slogans les plus inentendus fleurissaient. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Cours, petite sœur, les avant-gardes sont derrière toi. Quand les femmes s'aiment, les hommes ne récoltent pas. Et autres, travailleurs de tous les pays, qui lavent vos chaussettes. Voilà, et en 77, donc réunie en séance plénière le 16 décembre 1977, l'Assemblée générale des Nations unies demande à tous les pays de la planète de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social, et invite tous les États à proclamer, comme il conviendra, en fonction de leurs traditions et coutumes historiques et nationales, un jour de l'année, Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. En 82, le 8 mars 82, est officialisé en France, et alors en 2021, tant que l'égalité n'est pas atteinte, le 8 mars reste une journée de lutte. Voilà. Peut-être on peut passer à la musique ouais. Après ceci. Oui. Tu as quelque chose en particulier que tu veux déjà en parler ou Non, on peut passer à l'antipatriarcat. Si oui, l'antipatriarcat de Anna Tijou. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Avant de vous parler des grèves du 8 mars qui ont eu lieu d'une façon internationale depuis 2 ans ou 3 ans, depuis 2018, dans beaucoup de pays, je vais vous faire un petit rappel des grands mouvements de grève nationale des femmes au cours de l'histoire. Alors, aux États-Unis, il y a eu le 26 août 1970 un tout premier appel à une grande grève nationale pour les droits des femmes. Alors, c'est une idée qui est venue de Betty Friedan, une femme issue des classes moyennes et qui a fondé la National Organization for Women, NOW. Alors, une grande grève à l'occasion. Alors, cette grève, on lui a suggéré de la faire à l'occasion du 50e anniversaire de la ratification du droit de vote des femmes aux États-Unis. Alors, l'idée de Friedan était non seulement que les femmes employées s'arrêtent de travailler à l'usine ou dans les magasins, mais aussi qu'elles fassent tomber leur tablier, qu'elles cessent tout travail domestique pour faire sentir leur absence, un appel à l'arrêt du travail domestique et à l'arrêt du travail salarié. 50 000 femmes ont défilé dans les rues de New York le 26 août. Et l'écho donc de cette grève a eu un tel impact, qu'il entraîna le 26 août 1970, le même jour, la naissance du mouvement de libération des femmes en France, le MLF, avec la présence de quelques dizaines de manifestantes qui étaient venues soutenir leurs consœurs américaines avec leur banderole « Un homme sur deux est une femme ». Et il y a plus inconnu encore que le soldat, sa femme. Alors, on va vous passer un petit documentaire sur la grève des femmes qui a eu lieu en juin 1974, avec des interviews justement de militantes du MLF. Nous faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi. Faites la grève de quoi exactement ? Nous faisons la grève du travail domestique parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qui est obligatoire. Nous faisons aussi la grève des soins que l'on donne aux enfants et la grève, nous voulons faire la grève du travail salarié parce que la condition des femmes dans le travail salarié est liée au rôle qu'elles ont assumé à la maison. Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler comme certaines femmes le font, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler bon, comme des cerfs. Vous faites aussi grève de ce que vous appelez les services sexuels, pourquoi? Non, je dirais plus précisément que c'est pas la grève des services sexuels, mais que c'est la grève de la reproduction d'enfants telle qu'on nous la propose. C'est-à-dire que des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont parfois obligées d'en avoir parce que l'avortement n'est pas facile. Et que d'autre part, certaines d'entre nous et certaines d'autres femmes qui veulent avoir des enfants ne le peuvent pas parce que leur situation financière, parce qu'elles ne sont pas mariées, que c'est très dur d'avoir un enfant naturel pour l'enfant, ne le peuvent pas. Et tant qu'on nous forcera à avoir des enfants quand nous ne voulons pas et qu'on nous empêchera d'en avoir quand nous le voulons, nous ferons la grève de la reproduction d'enfants, plus que la grève des services sexuels. Nous, on n'a pas tellement l'intention de donner un programme définitif aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des gosses. Bon, par exemple, moi, j'en ai pas, je suis pas mariée, donc je peux pas dire telle revendication ou telle autre pour les femmes. C'est les femmes qui le prendront à leur niveau et où elles en sont et d'après ce qu'elles font. C'est ça l'important, c'est pour ça qu'on a lancé cette idée de grève. C'est pour que, justement, il y ait un mouvement de femmes, mais qui ne soit pas obligé d'aller au MLF, comme on dit, entre guillemets, en tant qu'organisation, mais qu'il y ait un mouvement de femmes partout. Quand même, on a deux femmes. Il y en a une qui est au ministère de la Santé et l'autre au ministère des Femmes. Alors, c'est encore une fois les tâches traditionnelles des femmes. C'est leur nature de soigner les gens, c'est leur nature d'être féminine. Et ça, je crois que vraiment, la grève, c'est aussi contre cette idée de nature qui prédestinerait les femmes, même quand elles sont ministres, à l'être pour ce qui est considéré dans notre société comme secondaire. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur nuit, de leur maison. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. On est bien réunis et plus besoin d'eux. On peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Ah, vous allez vous marier? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la grève des femmes alors? Que dalle, que dalle, que dalle. Vous ne voulez pas me dire ce que vous pensez de la grève des femmes? Je m'en fiche complètement. Très bien. Eh oui, la grève des femmes n'était pas encore toujours dans les esprits. Voilà, alors le deuxième mouvement de grève nationale, c'était en Islande, le 24 octobre 1975. Et c'est la grève qui a été la plus importante au monde en matière de grève nationale féministe. Et celle qui a servi d'exemple par la suite. Alors, ce sont des féministes très à gauche, les Red Sokana, bas rouges, qui lancent l'idée pour protester contre les écarts de salaire et les pratiques d'emploi injustes, pour rendre hommage à l'initiative de l'ONU qui avait décrété cette année de 1975 année des femmes, après avoir officialisé la journée internationale des femmes. Avant plutôt, d'abord, voilà. Alors elles appellent ce jour, au lieu de l'appeler mot grève, qui faisait très peur à l'époque, elles l'appellent le jour sans. Et près de 90% de femmes du pays cessent le travail. 30 000 femmes défilent, alors que l'Islande ne comptait à cette date que quelques 200 000 habitants. Donc c'est quand même pas... Alors ça a été une prouesse quand même extraordinaire, qui déboucha 5 ans plus tard sur l'élection de la première femme présidente en Europe, Vigdis Finnbogadottir, excusez-moi pour la prononciation. Elle dit « Ce jour-là marqua le premier jour de l'émancipation des femmes islandaises. Cela a complètement paralysé le pays et a ouvert les yeux de beaucoup d'hommes. » Alors ensuite, il y a le 14 juin 1991 en Suisse, la mobilisation des femmes suisses en 1991, c'est le fruit de la rencontre entre un groupe de femmes horlogistes syndicalistes de la vallée de Joux, des mouvements féministes et une syndicaliste haut placée, Christiane Brunner. Celle-ci a déjà été présidente du syndicat des services publics et siège au secrétariat de la puissante Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie. Elle propose l'idée à l'Union syndicale suisse qui l'accepte. La grève aura lieu le 14 juin 1991 pour demander l'application de l'article sur l'égalité homme-femme inscrit 10 ans plus tôt dans la Constitution le 14 juin 1981. Et il y a eu environ entre 250 000 et 500 000 personnes qui ont défilé à travers le pays, brandissant le slogan « Femmes, bras croisés, le pays perd pied ». Voilà. Et ensuite, il y a eu... Bon, elles ont réitéré leur grève en 2019, qui a été aussi assez magistrale. Ensuite, en octobre 2016, le 3 octobre 2016 en Pologne, alors ça a été appelé le lundi noir de la Pologne, du nom de la couleur des manifestantes. Ce 3 octobre 2016, l'appel est lancé sur les réseaux sociaux par le tout jeune parti Razem pour protester contre la volonté du gouvernement d'interdire totalement l'avortement, qui n'était jusque-là autorisé qu'en cas de risque pour la vie ou la santé de la mère, d'une grave pathologie irréversible chez l'embryon et dans les cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Alors très vite, des activistes, hommes et femmes politiques, journalistes, des célébrités aussi les rejoignent. Deux syndicats finiront aussi par le soutenir, mais le plus influent des syndicats, Solidarnosc, le condamne. À Varsovie, entre 3000 et 5000 personnes vêtues de noir envahissent les rues. Et la manifestation a payé parce que deux jours après le lundi noir, le gouvernement a retiré sa proposition de loi. Il y a en Pologne une longue tradition de participation des femmes aux grèves. Dès les années 1880, les femmes étaient parfois majoritaires dans certaines grèves et cela a continué pendant la révolution de 1905, l'entre-deux-guerres et la période communiste d'après-guerre. Mais il est vrai que la manifestation noire est la première grande manifestation de rue en Pologne, centrée sur un sujet qui concerne les femmes et particulièrement les droits reproductifs. Voilà, ça c'est un rappel de quelques grandes grèves nationales. Bon, c'est vrai qu'il y a la grande grève aussi des femmes à Pétrograd, dont on en a parlé tout à l'heure. Et donc ensuite, il y a eu plus récemment chez nous, enfin non pas chez nous, plus récemment en 2016, il y a le mouvement Proteste en Pologne, qui voit plusieurs milliers de femmes faire grève et manifester contre la restriction du droit à l'avortement. En Argentine, le féminicide brutal de la jeune Lucia Pérez est allé dans la presse et rapidement suivi par une heure d'arrêt de travail dans tout le pays. Les féministes argentines vont établir les liens entre féminicide, violence économique, sociale, coloniale et territoriale. En octobre 2016, toujours lors de la grève des Islandaises contre le Gender Pay Gap, des milliers d'entre elles quittent leur lieu de travail deux heures plus tôt. Cette mobilisation résonne à l'international et contrebalance l'image bien répandue d'une Islande égalitaire. Les actions irlandaises contre le 8e amendement qui interdit l'avortement vont déboucher sur un référendum historique et l'abolition de l'amendement liberticide. Leur campagne va également marquer les esprits bien au-delà des frontières nationales. Et puis, il y a No Una Di Meno qui se met en place en Italie à l'occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes pour notamment revendiquer leur autodétermination. Alors, il faut dire aussi qu'en 2015, le mouvement argentin Ni Una Menos est né en réaction au taux élevé donc de féminicide dans le pays. Et la lutte contre les violences faites aux femmes s'anime alors de rage et d'un sentiment d'urgence. Voilà. En 2017, en janvier, il y a la Woman March sur Washington qui rassemble des centaines de milliers de femmes contre la présidence de Trump et pour les droits des femmes, des personnes migrantes et des personnes LGBTQI+. À travers le monde, ce sont des milliers de personnes qui marchent ce jour-là. Et puis, donc, c'est à ce moment-là qu'un appel international à une grève des femmes le 8 mars est lancé, à l'initiative donc du mouvement Ni Una Menos et de la Woman Strike états-unienne. Des grèves féministes auront lieu dans 55 pays. 2018, la grève du 8 mars est encore plus impressionnante que la précédente et rassemble des millions de femmes. Rien qu'en Espagne, elles sont plus de 5 millions à travers 120 villes et bloque le pays. La grève féministe espagnole se décline selon quatre axes: grève du travail domestique, du travail salarié, de l'éducation et de la consommation. En 2019, le mouvement 8 mars continue de grandir et de se renforcer à l'international, et la préparation de la première grève du 8 mars en Belgique nous plonge en plein dans la vague, tout comme les Suissesses qui vont se mobiliser le 14 juin 2019 dans une grève féministe historique. Voilà. Alors, on peut peut-être passer le chant des grévistes du 14 juin 2019 des Suisses. Ce n'est pas un rêve, nous sommes vraiment en grève. parole, c'est la grève sous l'être dont. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tout nos droits. Si toutes les femmes du monde font grève tout ensemble, c'est la grève qui se bloque, c'est la grève qui débloque. Nous sommes filles de sorcières, quittons notre souricière. Nous voulons nous gouverner, nous voulons la liberté. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Y'en a marre d'être harcelés, y'en a marre d'être exploités. Changeons notre société, on veut toute l'égalité. On veut plus qu'on nous dise qu'il est à notre guise. Notre corps nous appartient, on fait ce qui nous convient. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève pour tous nos droits. Prenons soin de la planète, dès maintenant et pour demain. Plus d'armes, ni morts, ni guerres, ni ponts et pas de frontières. Marchons toutes et soyons fiers pour les femmes de la terre. Prenons notre destin en main pour de meilleurs lendemains. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. C'est la grève féministe, c'est la grève féministe. Oli, oli, ola, 14 juin, nous y voilà. Ont chanté les Suissesses lors de leur grève du 14 juin 2019. Et alors elles ont pris ça sur l'air de la Lega. La Lega, c'est une chanson italienne de revendication des Mondines qui travaillaient dans les rizières de la vallée du Pô au 19e siècle et qui chantaient leur révolte contre les patrons en réclamant la liberté. Voilà, on a toujours à l'émission un artiste, l'émission Tranche d'un art. Et on va juste encore communiquer l'appel de collectif du 8 mars. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et après, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas attendre, mais Kronstadt va arriver. On va parler de Kronstadt encore après, donc dans 20 minutes. Et, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quand Kronstadt. Mais ce n'est pas le début, c'est à la fin. Le collectif Le Mi-Mars, c'est un collectif indépendant des partis et des syndicats qui était assemblé en 2019 et 2020 des femmes de tout l'horizon pour l'organisation des premières grèves des femmes en Belgique. La grève féministe est organisée donc à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et est conçue comme une première étape pour obtenir des avancées concrètes. Ils ont toute une liste de revendications. Mais je ne pense pas que je vais tout les lire, mais c'est intéressant. Et toutes les revendications, ils sont sur le site de 8 mars. Donc 8 M-A-A-R-S, donc mars et mart, c'est un peu la combinaison de français et néerlandais. Donc c'est avec 2 A.be. Je voulais t'enlever ça. Oui. Un collectif est créé en juin 2018 par une dizaine de Bruxelloises au parcours politique différent. En octobre 2018, il est entièrement refondu à l'occasion de la première assemblée de 8 mars, qui réunit plus d'une centaine d'intéressés. S'entame alors un long processus riche en rencontres, réflexions et actions, qui débouchera sur une journée de mobilisation historique le 8 mars 2019 en Belgique. Et donc... qu'est-ce que c'est un peu la grève? C'est cesser de travailler, de prendre soin, d'étudier, de consommer, et démontrer ainsi que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Rendre visible leur réalité, les différentes oppressions qui s'y mêlent, leur colère et leurs envies, et en parler autour d'elles. Se rencontrer pour se découvrir, des convergences et tisser des solidarités. S'organiser là où elles sont, en montant ou en rejoignant un groupe de mobilisation. Cela peut être sur une base géographique, comme à Gand ou à Liège, sur base sectorielle, comme les Stibiennes, Transport en commun bruxelloises, ou les étudiantes, ou encore sur leur base de leur vécu, les vieilles gangsters en colère, le Gwyn et Cuir en grève le 8 mars. Et donc, ce 8 mars 2021, ce lundi, nous appelons à une grève féministe d'ampleur face à la crise sanitaire, sociale, économique et démocratique d'ampleur que nous traversons. Et donc c'est vrai que donc, c'est maintenant 2 ans après la première grève féministe en Belgique, les réalités dénoncées par le collectif 8 mars restent toujours d'actualité. Violences faites aux femmes, inégalités économiques, discrimination, surcharge du travail domestique, ces réalités patriarcales sont même renforcées par la crise sanitaire, économique, sociale et démocratique que nous traversons. Les périodes de confinement ont démontré l'importance capitale des femmes dans l'économie réelle. Sans nous, le monde se serait vraiment arrêté. La santé, la grande distribution, le soin aux enfants et aux personnes âgées, ou encore l'enseignement, sont des secteurs portés majoritairement par les femmes, dans des conditions de travail difficiles. Globalement, nos revenus sont toujours inférieurs à ceux des hommes, et nous continuons de prendre en charge la plupart du travail domestique sans aucune autre considération. Les violences machistes et les féminicides sont omniprésents. La crise économique qui s'annonce, ainsi que son pendant de mesures réactionnaires, risque d'aggraver cette situation si nous ne changeons pas radicalement le cours des choses. En shift nuit ou en télétravail, à l'école ou en chômage temporaire, nous devons respirer, relever la tête, pouvoir dire ensemble, on s'arrête. Nous devons nous retrouver et nous organiser en prenant soin les uns des autres. Dans ce contexte, le collectif 8 mars appelle pour la 3e fois toutes les femmes de Belgique à arrêter toute forme de travail le 8 mars 2021 sous le slogan « Fortes et fières, en grève contre leur crise ». Nous demandons donc d'arrêter tout travail rémunéré ainsi que les soins, les activités ménagères, les études et la consommation, afin de rendre visible tout le travail invisible que les femmes accomplissent au quotidien et de montrer que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Suite à l'appel du collectif 8 mars, la FGTB a déposé un préavis d'action interprofessionnelle pour le 8 mars. Les travailleuses affiliées de ces centrales pourront faire grève en recevoir des indemnités. Nous les renvoyons vers leur syndicat pour les modalités pratiques, en particulier si vous travaillez dans un service public. La CNE a également déposé un préavis. Le reste de la CSC ne dépose pas de préavis, mais apporte son soutien à la grève des femmes. Des préavis peuvent ainsi être déposés en entreprise et nous encourageons donc toutes les femmes membres de la CSC et à contacter leurs délégués ou leurs permanentes. Nous appelons également des femmes à mener des actions individuelles et collectives, également en dehors de cette grève du travail rémunéré classique. Par exemple, n'allons pas en cours, en arrêtant de consommer et de faire le ménage, ceci afin de combattre les inégalités et la discrimination qui continuent d'exister dans tous les aspects de la société. Des piquets et actions féministes auront lieu localement à Bruxelles, Tournai, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain, Courtrai, Hasselt et ailleurs. Face à l'isolement engendré par les mesures sanitaires, les groupes locaux répondent par la créativité en mettant en place une multitude d'actions partout sur le territoire. Tournée de soutien au piquet des grèves, rassemblement dans l'espace public, retransmission en ligne des actions physiques, notre détermination reste intacte malgré la crise actuelle. Et donc, il termine, le collectif 8 mars est indépendant des partis politiques et des syndicats. Donc, ils disent, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez en savoir plus sur le collectif ou sur nos actions, il y a un adresse mail, c'est com.8mars, avec M-A-A-R-S, @gmail.com. Nicole veut encore lire les revendications. Et voilà. On va encore passer à un podcast ensuite. Ouais. Voilà. Et alors, il y a eu un interview entre deux personnes, Chiara Filoni du collectif 8 mars et Aurore Kesch, de la présidente de Vie Féminine. et qui donnent leurs revendications pour ce, justement pour 2021. Alors pour Chiara, c'est l'égalité salariale, la valorisation du travail reproductif, le développement des services publics, la justice reproductive et sexuelle, une lutte efficace contre les violences, une éducation laïque et non sexiste pour tous et toutes, et la défense d'un agenda écologiste. Alors pour Aurore Kesch, présidente de Vie Féminine, alors c'est une sécurité et une protection sociale avec des droits propres qui ne dépendent pas des revenus du conjoint ou des proches, accessibles à toutes sans discrimination. Que la société place le soin au centre de son organisation et qu'il soit considéré comme une responsabilité partagée collective. De vraies politiques, troisièmement, de vraies politiques féministes et antiracistes qui luttent contre les systèmes de domination actuellement en place. Quatrièmement, une régularisation et l'accès aux soins de santé pour toutes les personnes sans papier. Ce sont les premières qui payent la crise. Et cinquièmement, un engagement du personnel formé adéquatement sur les violences faites aux femmes dans les services spécialisés, les associations de femmes et les institutions en contact avec les victimes ou les agresseurs. Alors suite à ça, on va vous passer un petit podcast qui a été fait par Axel Mag. Et ils ont fait toute une série sur des choses essentielles pendant la pandémie. Et notamment, ça s'appelle Le Front du Vivant. Et donc, il y a un podcast qui est assez intéressant. Donc, je voudrais que vous écoutiez. Voilà. Le Front du Vivant est un projet imaginé par 5 journalistes et une photographe du magazine féministe belge Axel. Pendant 6 mois, nous avons accompagné 10 femmes actives sur le front du vivant. En 2020, la crise du Covid-19 a mis en lumière l'importance vitale de certaines activités pour la survie de notre société. Ces activités coïncident avec la répartition sexuée des rôles traditionnels. Les hommes de pouvoir ont la main sur l'exécutif. Les femmes sont sur le front, en première ligne ou à l'arrière-plan. Elles créent, protègent et réparent le vivant. Le portrait que vous allez entendre est le fruit de nos interactions. Une histoire singulière qui tisse la trame de récit collectif, l'épopée de la pandémie. Xing, une vie masquée. Le Covid a frappé de plein fouet les personnes vivant du travail informel, et parmi elles, beaucoup sont sans papier. C'est le cas de Xing, portrait fragmenté autour d'un fil rouge, le masque, objet symbole de cette pandémie qui a fait couler beaucoup d'encre et de sueur féminine. Mi-avril. Le premier mois du confinement joue les prolongations. J'ai rendez-vous avec Annabelle à Bruxelles, au théâtre de la Balsamine. Annabelle, je l'ai d'abord entendue en mars, à l'occasion d'un article. Elle m'avait appelée pour partager avec moi son indignation de voir que le gouvernement faisait appel à la bonne volonté et au grand cœur des femmes pour coudre des masques, gratuitement. Une grosse semaine après ce coup de téléphone et des dizaines de témoignages dans la poche, paraissait sur le site web d'Axel l'article « Lutte contre le coronavirus, si les femmes s'arrêtent, les masques tombent ». Des femmes y confient leur envie de solidarité, leurs trucs et astuces pour se procurer du matériel, leur fatigue aussi, le manque de reconnaissance. Annabelle y témoigne. On semble oublier que les couturières, comme les soignantes, les caissières ou les éboueurs, sont des fonctions essentielles durant cette crise. Elles sont en train de se donner corps et âme pour produire un des outils essentiels au recul de la pandémie. L'État aurait pu choisir de les faire travailler et de les soutenir, ne fût-ce que pour honorer leur travail, qui n'est pas accessoire mais nécessaire. Elle invite les couturières à compter leurs heures pour ne pas oublier tout ce travail gratuit une fois la crise passée et demander des comptes à l'État. Annabelle, costumière en colère, a ensuite lancé avec quelques autres couturières professionnelles et costumières le collectif Les Masques de Bruxelles, dont l'atelier éphémère s'est installé au théâtre de la Balsamine pour fabriquer et vendre des masques, pour coudre ensemble, pour se soutenir aussi. C'est en allant apporter des jeans à Annabelle, matière à partir de laquelle le collectif réalise ses masques, que je croise pour la première fois la route de Xing. Xing vient chercher du tissu et ramener les masques qu'elle a déjà cousus. 80 en 2 jours. Une cadence qui laisse l'équipe stupéfaite. Apparition furtive et mystérieuse. Xing repart aussi vite qu'elle est arrivée, des mètres de jeans sous le bras, moi un joli masque sur le nez et beaucoup de questions dans la tête. Xing fait partie de la Ligue des travailleuses domestiques, lancée par la CSC. C'est avec plusieurs femmes de ce groupe que nous avons écrit l'an dernier l'article « Vous allez nous voir ». Un manifeste pour exiger des droits, une régularisation, une visibilité dans la société. Nosotras, celles que vous appelez les nettoyeuses, las criadas, las niñeras, las sirvientas, las esclavas modernas, nos escucharán. Nous refusons d'être payés les miettes, las mismas migajas que recogemos todos los días. Somos mujeres fuertes. Comme la plupart des femmes et hommes sans titre de séjour, Xing a perdu son boulot dans la foulée du Covid. Elle nettoyait des appartements Airbnb. Le confinement, c'est pas facile. Tu n'as plus de revenus, tu n'oses plus sortir. Résume-t-elle pour parler de sa vie sous Covid. Les paroles de Xing n'empruntent pas les chemins de traverse. Elle va droit au but. Alors, elle a décidé de mettre ses talents de couturière au profit des personnes à protéger. Via l'appel de la région bruxelloise d'abord. En mars, elle coud les 200 masques à partir des tissus prédécoupés et livrés en 2 jours, contre les 7 préconisés, gratuitement, et n'a pas cessé de coudre depuis. 28 mai. Je suis invitée par Bruxelles Laïque à parler du travail gratuit des femmes sans papier lors d'un débat « Santé et sécurité des femmes sans papier confinées ». J'appelle Rosa à Liège pour préparer mon intervention. Elle est coordinatrice du projet Atemos, les masques solidaires. Elle m'explique que les femmes sans papier ont décidé de coudre des masques pour soutenir la population grâce à leur savoir-faire, pour afficher leur solidarité, leur bien le plus précieux. Ce qui compte n'est pas le masque, mais l'emballage, me dit-elle aussi. C'est le message qu'on délivre, avec un objectif, sortir ces femmes de l'ombre et régulariser les sans-papiers. Candice, formatrice français langue étrangère, qui participe au débat, explique les multiples difficultés des femmes sans-papiers. Peur de sortir, plus moyen de payer en cash, peur d'être expulsées de leur logement, violence des conjoints, etc. Ensemble, les femmes ont aussi créé un groupe de couture. Il a permis aux femmes de se connecter à leur pouvoir et leur savoir, explique Candice. 16 juin, Église du Béguinage, journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques. Une machine à coudre trône au milieu de l'hôtel. Autour d'elle, Flore et Xing prennent la parole pour inaugurer l'exposition photographique Vos toilettes propres, nos propres papiers. Xing parle de l'atelier de fabrication de masques, lancé par les femmes de la Ligue des travailleuses domestiques, pour alimenter une caisse de solidarité destinée à soutenir la campagne pour la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papiers. C'est le moment pour nous d'aider les autres. C'est le moment pour vous de nous aider dans la lutte pour notre régularisation, lance-t-elle fièrement, avant de retourner au stand de vente. 20 juin. Manifestation pour la régularisation des sans-papiers. La peur du virus et la crainte d'être contrôlés n'ont pas eu raison de leur présence en nombre sur la place du Luxembourg. Xing a de la fièvre, elle ne vient pas. Ses sœurs de lutte sont nombreuses pour porter sa voix et scander « La régularisation, maintenant, une urgence sanitaire et sociale !» Les femmes souffrent, les femmes cousent, les femmes luttent. 26 septembre. La grande salle du cinéma Vendôme est à moitié pleine, 1 siège sur 2. La vie culturelle a repris timidement et dans le respect de la distanciation physique. Le public a répondu présent pour l'avant-première du film « Nous, les domestiques modernes, un chemin vers la liberté ». Un autoportrait collectif réalisé par des femmes de la Ligue avec le collectif Zine TV, le fruit d'un an d'atelier. Après le film, les protagonistes, qui sont aussi les co-réalisatrices du film, avancent magistrales, fières, sous les projecteurs, pour répondre aux questions du public. Elles portent tout un masque. Ce ne sont pas les masques du Covid. Ce ne sont pas les masques de protection. Mais les masques blancs. Ceux qu'on a souvent vus lors de manifestations pour la régularisation, accompagnant le slogan « Donnons un visage aux sans-papiers ». Elles les ont fabriqués elles-mêmes, comme le montre une scène dans le film. On les voit appliquer de fines bandes de bandages enduites de plâtre sur le visage. C'était bien avant le Covid. quand ce toucher était encore autorisé. Ces masques montrent que nous sommes cachés. C'est les masques qui cachent nos malheurs, nos problèmes, nos préoccupations. On aimerait bien les enlever, commande-t-elle. Mi-octobre. Je croise Shing à la projection du film Overseas, ce documentaire de la réalisatrice franco-coréenne installée à Bruxelles, Sung Ayoon, nous fait découvrir les programmes de formation mis en place aux Philippines à destination des femmes qui vont devenir aides ménagères et nounous dans plusieurs pays du monde. À peine étais-je sortie de la salle que Shing s'était déjà volatilisée. Je l'appelle dans les jours qui suivent pour savoir ce qu'elle a pensé du film, s'il faisait écho à son histoire. Et elle se met à me raconter ses années en Pologne. Cueillette de champignons, de tomates, un salaire de misère, des années harassantes, des chariots trop grands. « Pensez pour la main-d'œuvre ukrainienne, pas philippine, on est beaucoup plus petit », me dit-elle. Shing n'a toujours pas retrouvé de travail, mais continue de coudre des masques. Que faire d'autre? Quand tu couds, tu ne penses pas, ça relaxe. 14 novembre. J'ai rendez-vous avec Shing à l'atelier de fabrication de masques. Laetitia, photographe, m'accompagne. Ces 6 derniers mois, nous avons marché ensemble sur les traces de Shing, qui, sans le savoir, nous a fait rencontrer d'autres femmes, aux parcours différents, aux galères similaires. Les femmes arrivent au compte-gouttes. Shing débarque 1 heure en retard, le pas ferme, casquette vissée sur la tête. Elle se dit fatiguée, mais le cache bien. Chacune prend sa place. L'une prépare du café, l'autre est à la découpe des tissus. Une autre compte la monnaie sous l'œil attentif de Mama, comme l'appelle Shing, l'aînée de la bande, qui veille comme une grand-mère et assure la dernière opération, la mise sous pochette du masque, accompagnée du petit mot d'explication du projet. Atelier de couture, fabrique de liens. Ça parle espagnol, anglais, français. Shing alterne entre le tagalog avec sa voisine, philippine elle aussi, et l'anglais. Elle enchaîne les masques à la vitesse de l'éclair. « Mets le chrono, je suis à moins de 5 minutes par masque », me lance-t-elle. Verdict, 3 minutes, 27 secondes. Shing cesse le travail pour un portrait, le visage d'un récit fragmenté, d'une existence incertaine, que l'appareil photo fixe. Le temps d'une pause, d'un flash. Et déjà, Shing disparaît à nouveau derrière sa machine à coudre. Nos escucharán. Nous refusons d'être payés les miettes. Las mismas migajas que recogemos todos los días. Somos mujeres fuertes. C'était un portrait écrit par Manon Legrand et lu par Mathilde Bernadac. Le Front du Vivant est produit par Axel Magazine. Merci à la photographe du projet Laetitia Bica, à Fabien Van Eken pour la musique du générique, à Corinne Ricuor pour le montage et au Fonds du Journalisme pour son soutien. Les portraits sont à lire dans notre numéro hors-série de janvier-février 2021. Elle répare le monde. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be. Pour ce qui concerne la programmation de la journée de 8 mars, il y a une assemblée virtuelle le dimanche 7 mars pour avoir la programmation complète. Donc c'est sur Facebook et ça commence à 13h30 jusqu'à 18h30. Donc vous pouvez trouver cette page Facebook sur le site de Collectif 8 mars. À côté de ça, ce qui est déjà connu, c'est un programme provisoire. Toutes ces infos, vous pouvez trouver sur zintv.org, agenda, petit récap non exhaustif autour du 8 mars. Tour des piquets ou endroit de mobilisation. Étudiantes et travailleuses ULB, action des associations et femmes du quartier de Molenbeek, planning familiaux, rassemblement des femmes et associations de Skarbek, rassemblement des mamans solo et des avocats, soutien à l'occupation des personnes sans papier à l'église du Béguinage, action du non-marchand, commerce, STIP, hôpitaux à confirmer. Il y a aussi un bus qui va faire le passage à plusieurs piquets des grèves, mais pour ça il faut s'inscrire. Et il y a un tour de vélo, et pour ça, il faut aussi s'inscrire et contacter rochececile73@gmail.com. Pour la journée, une garderie est organisée de 9h à 20h par la bibliothèque La Grue, située au DK 70B, rue de Danemark. Pour inscrire votre enfant, envoyez un message au 04 8 5 65 15 57 avec ces informations, prénom et de nom de la personne responsable, numéro de GSM, email, prénom de l'enfant et l'âge d'enfant. À partir de 8h, donc il y a l'ULB étudiante et travailleuse en grève. L'ULB aussi répond à l'appel pour montrer que quand les femmes s'arrêtent, toutes s'arrêtent, et pour dénoncer l'invisibilisation du travail féminin, les violences sexistes et le harcèlement présents sur le campus. Pour plus d'infos sur la grève des étudiantes et travailleuses de l'ULB, tout ça, il y a aussi un page Facebook. De 11h à 12h30, il y a une assemblée générale virtuelle des travailleuses du socioculturel le 8 mars. C'est organisé par le CNE, aussi un page Facebook. Et alors, un rendez-vous a lieu à 10h, place Fernand Koch. Vie féminine Bruxelles sera en action dans l'espace public pour sensibiliser à la grève des femmes et récolter des témoignages, conjointement aux actions de la Palabras Cafem, Le Monde selon les femmes ASBL, la collectif Non Peut-être et Sororida Sin Fronteras Belgica. Et à midi, place de la Monnaie, une comédienne, Charlotte Couturier, performera son spectacle Bienvenue, plus performance de Sororida Sin Fronteras. De 10h à midi, action et performance, J'ai le droit, nos droits, 2021. Sororité sans frontières, à partenariat avec la Maison des femmes de Molenbeek, se mobilise contre la violence de genre, dans toutes ses formes et l'accès à l'IVG. Nous portons le deuil publiquement de toutes les victimes de ces violences. Avec nos chants et nos flash mobs, on veut amener la parole de celles qui ne peuvent plus le faire, de celles qui ne peuvent pas risquer d'élever la voix, de celles qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter. Avec de l'art, on essaye de rendre visible la lutte des femmes et dissidents sexuels partout dans le monde. Au programme, de 10h à midi, Métro Contre Flandre à Molenbeek, action J'ai le droit et le deuil pour Sororité Sans Frontières. Et à 14h, place Léon à Skarbek, manifestation, performance avec la Maison des femmes de Skarbek et Sororité Sans Frontières. À 11h30, devant l'église du Béguinage, soutien à l'occupation des personnes sans papier, l'église du Béguinage, une action logement Bruxelles et les femmes, du groupe de travail logement du collectif de 8 mars, Douche Flux rejoint aussi également. Et alors il y a la fin de la journée, ce sera la clôture, donc parce que cette année il n'y a pas la marche à cause du restrictionnement de Covid, il n'y a pas possible de faire une marche, mais il y a plusieurs rassemblements au même moment à la fin de la journée, donc de 16h30 à 18h, rassemblement Carrefour de l'Europe, la campagne Rosa veut faire du 8 mars une journée de lutte, nous prévoyons des actions avec respect des mesures sanitaires dans différentes villes, et des manifestations et aussi des actions à l'école et sur le lieu de travail. À 16h30, il y a un autre rassemblement prévu Gare Centrale, c'est le rassemblement de la Marche Mondiale des Femmes Belgique. Elle réclame de la part des politiques un changement de cap à engager d'urgence afin d'éviter les catastrophes sociales et environnementales concernant particulièrement les femmes, afin de respecter les mesures sanitaires. Et donc pour cet rassemblement-là, il faut s'inscrire. Ils disent que l'inscription sont également nécessaires. Il y a une page Facebook. De 17h30 à 19h, il y a le rassemblement Place du Luxembourg. C'est organisé, c'est là par le collectif 8 mars Bruxelles. C'est un rassemblement statique et festif pour bien conclure la journée en respectant toutes les mesures sanitaires, avec comme mot d'ordre prendre soin les unes et les autres. Au programme, sanctionné féministe par la chorale Strike Sisters et Sororida Sin Fronteras, performance, slam, prise de parole, etc. Et donc, c'est pas que à Bruxelles, mais donc il y a aussi des actions et mobilisations en Wallonie et en Flandre. Et tout ça aussi, les liens vers le site et les pages Facebook sont notés sur cet agenda que vous pouvez trouver sur zintv.org, agenda, petit récap non exhaustif autour du 8 mars. À Anvers, les actions seront aussi couvertes en direct par Radio Centrale. Et nous ici aussi en Bruxelles, on prévoit une couverture de radio ensemble avec Radio Panique et donc collaboration Radio Panique et Radio Libre. À 8h30, il y aura une émission à Radio Panique pour parler de la programmation de la journée, donc un peu plus complète que celle-ci. Et dans l'après-midi, ça pourrait être déjà entre 1h à 15h ou peut-être un petit peu plus tard, on va faire encore une autre émission avec résumé un peu de les actions qui ont passé le matin et début de l'après-midi du 8 mars avec des enregistrements sur place et peut-être aussi quelques invités. Mais tout ça, on va encore vous mettre au courant, je pense, via SMS. Voilà, c'est ça pour la programmation de 8 mars. Donc, on va vous passer maintenant Respect de Aretha Franklin. Pour la petite histoire, cette chanson est à l'origine une chanson de Otis Redding qui avait été créée en 65 par Otis Redding. Et cette, dans le, Otis Redding, dans sa chanson, disait que c'était la femme devait respecter l'homme parce que l'homme rapportait l'argent à la maison. Et donc Aretha Franklin, elle a pris cette chanson où elle a pris la même musique, mais elle a refait toutes les paroles à l'envers, c'est-à-dire qu'elle a dit que c'était pas à l'homme de à la femme de respecter l'homme, mais c'était à l'homme de respecter la femme quand il rentre à la maison. Voilà. Donc et ça a fait le buzz et ça a permis. C'est une chanson qui a fait le tour du monde et tout le monde la prend pour. C'est une des chansons féministes connues dans les mouvements féministes. Voilà. Après toutes les annonces pour le 8 mars, merci beaucoup Nicole. On va passer à Kronstadt parce que effectivement c'est le 100e anniversaire de ce qu'on appelle la révolte de Kronstadt, qui n'est pas forcément une insurrection. C'est un peu comme avec la révolution espagnole. En fait, en Espagne, il y avait un coup d'état militaire et puis il y a des gens qui ont réagi. Et à Kronstadt, c'est un peu un truc, c'est une réaction à. En fait, ce sont des actions de solidarité avec les travailleurs de Petrograd, etc. Mais bon, je vais commencer par le début. Kronstadt est une île entre la Finlande et l'Estonie et à 20 km de Saint-Pétersbourg, 25 km de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que Saint-Pétersbourg a été fondé par Pierre le Grand. Petrograd. Oui, Petrograd, par Pierre le Grand, qui voulait sa nouvelle capitale, sur place. Et donc, et c'est l'estuaire de la rivière la Neva. Et donc, c'était un peu un marécageux, en fait. Mais ils ont quand même construit une ville là-bas. Et en fait, l'accès à la mer passe par ce qu'on appelle la baie de Finlande. Et au plein milieu, à 25 km de Petrograd, il y a une île. Et cette île était en fait occupée par les Suédois. Et donc, on ne pouvait pas laisser faire. Et Pierre le Grand, il y a eu la Grande Guerre du Nord, qu'on appelle début 18e siècle, où il y a eu une guerre contre la Suède. Et effectivement, les Russes parviennent à conquérir l'île. Et tournent cette île en forteresse, en fait, pour protéger la ville de Petrograd. Et donc, pendant deux siècles, en fait, on construit des forteresses. C'est aussi une base navale pour la flotte baltique de la Russie. Et donc, c'est un ensemble. Donc, il y a une île principale qui s'appelle Kotlin. Et puis, tout autour, il y a plusieurs îles, une trentaine, dont 23 qui sont des îles artificielles et qui sont en fait des petites forteresses et avec des canons en fait, pour protéger l'accès à Petrograd. Et voilà, donc sur cette île et dans cette ville, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des marins, évidemment, pour la flotte baltique. Et puis, il y a l'armée qui est là, surtout avec des artilleurs, pour occuper les forteresses. Et puis, il y a toute une panoplie de travailleurs, enfin de personnes de différents métiers, parce qu'il y a des chantiers navals, il y a les arsenaux. Et donc, il y a beaucoup de main d'œuvre très qualifiée, en fait, qui travaille et qui habite, en fait, dans cette ville, à Kronstadt. Et puisque c'est un peu une population favorisée, puisqu'on doit toujours bien soigner l'armée et la marine, même si quand ça va mal partout dans le pays, ils sont toujours bien protégés. Et en plus, il y avait les gens qui étaient... À la fois, il y avait les marins qui parfois étaient là, juste là et qui avaient beaucoup de temps libre. Donc, il y avait toute une vie culturelle, une vie associative. Et il y avait aussi plein d'ouvriers hautement qualifiés, des gens qui savaient lire et écrire. Et donc, c'était une population qui est plus apte à se former ou à s'auto-former ou à être ouvert à des idées révolutionnaires ou socialistes. Et puis, il y avait aussi, en fait, tous les officiers à l'époque étaient des nobles, c'était tous des fils des nobles, ils faisaient des carrières dans l'armée ou dans la marine. Et donc, il y avait cette grande différence de classe, en fait, entre les officiers et les soldats, quelque chose qui était très ressenti et qui faisait aussi que les gens étaient très conscients de leur classe, d'où ils venaient. Et donc, en fait, les marins et les soldats, les ouvriers de Kronstadt, depuis très longtemps, ont participé à des révoltes, notamment en 1905. Il y a déjà une première tentative de révolution en Russie, avec notamment le premier soviet de Petrograd. Et il y a aussi une insurrection à ce moment-là, en 1905, à Kronstadt. Il y a encore une autre insurrection en 1906. Et il y en a plusieurs. Et puis, pendant la guerre, en 1917, donc il y a la première révolution, la révolution de février, en fait, qui est la fin du tsarisme et la mise en place d'un gouvernement bourgeois, libéral. À ce moment-là, au mois de juillet, en fait, il y a déjà une manifestation armée par les marins et les soldats de Kronstadt, à Petrograd, qui espèrent de provoquer une révolution avec leur manifestation. Mais à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait prêt. Et ça ne marche pas, donc ils rentrent dans leur île. Et puis quand la révolution arrive pour de vrai, en octobre, à ce moment-là, c'est vraiment... De nouveau, ils reprennent leur île en main. Et c'est un peu le bras armé de la révolution, à ce moment-là. C'est vraiment grâce aux marins, aux soldats de Kronstadt que la révolution, elle, réussit à prendre le pouvoir. Et... Voilà, donc tout ça, si je vous raconte ça, en fait, c'est parce que Volyn, un anarchiste russe, a écrit le livre qui s'appelle « La révolution inconnue ». Volyn, c'était un témoin privilégié de toute l'histoire révolutionnaire de la Russie et de l'Ukraine. Et lui, dans les années 30, en fait, il était parmi les exilés russes anarchistes. Il a tout décrit dans son livre. En fait, il commence déjà au 19e siècle pour parler de la révolution en Russie. Et il décrit toute l'histoire, aussi par exemple l'histoire des anarchistes à Moscou, l'histoire de l'insurrection en Ukraine, l'insurrection anarchiste de Nestor Makhno. Donc il a vécu tout ça et il décrit vraiment d'une façon très très détaillée cette histoire. Il raconte notamment comment à Kronstadt, à partir de 1917, en fait il y a une révolution sociale qui se passe localement et on met en place un soviet et une commune libre. En fait, de la façon plutôt idéale, disons. Donc c'était vraiment c'était le soviet librement élu. Donc il y avait pas mal de militants politiques, il y avait des communistes, des socialistes, des syndicalistes, des anarchistes, mais ce n'était pas eux qui ont organisé les soviets. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est venu de la population de la ville qui réorganise toute la ville. En ce qui concerne l'habitation, l'économie, par exemple, les gens ils habitent dans des grands immeubles, ils font des conseils d'immeubles, donc les immeubles sont repris par les habitants, qui commence à gérer, et puis qui se fédèrent dans des comités de rue, qui se fédèrent dans des comités de quartier ou de ville. Et donc il y a vraiment l'idée fédéraliste qui est déjà mise en place et pratiquée à Kronstadt. Ce n'est pas forcément le cas dans le reste de la Russie, même s'il y a la révolution, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des soviets un peu partout, mais il n'y a pas cette organisation très poussée, très pensée et développée, comme à Kronstadt, qui est vraiment un laboratoire en fait de la révolution sociale. Et donc ils organisent des potagers, par exemple, parce qu'à l'extérieur de la ville, il y a des terrains vagues. Donc ils installent des potagers. Il y a toute une organisation qui se met en place et qui dure jusqu'en 1921, quand en fait la commune libre de Kronstadt est écrasée par la réaction des bolcheviks. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la guerre. Donc, la révolution arrive en 1917, et pendant la guerre. Et les bolcheviks en profitent, qui reprennent le gouvernement, en fait, qui prennent le pouvoir, en profitent pour négocier une paix avec l'Allemagne, avec l'Empire allemand. Les Allemands sont très contents, bien sûr, comme ça, ils peuvent fermer leur front à l'est et pour tout concentrer sur leur front de l'ouest. Et la situation est très difficile en Russie, donc la paix est quelque chose de très important à ce moment-là. Et le gouvernement, voilà, il conclut un accord de paix, un très mauvais accord, c'est l'accord de Brest-Litovsk, ça s'appelle, où ils font énormément de concessions. Mais bon, ça c'est donc une chose, la guerre elle est finie, et il y a la guerre civile qui commence, en fait, parce qu'il y a donc les armées tsaristes. Il y a des insurrections, en fait, qu'on appelle des armées blanches, qui sont un peu partout, surtout à l'ouest de la Russie, de l'Ukraine, et qui essayent de casser la révolution. Mmh. Et de l'autre côté, il y a l'armée rouge, sous la direction de Trotsky, qui combat les armées blanches, mais il y a aussi d'autres armées. Il y a notamment l'armée insurrectionnelle ukrainienne, qui est anarchiste, qui combat aussi les armées blanches. Et donc, la guerre n'est pas finie en 1917 en Russie. La guerre a commencé en 1914, et en fait, il y a un état de guerre qui perdure en fait, jusqu'en 1921. Et donc, toute l'économie, donc le marché libre est fermé. Donc, toutes les entreprises sont nationalisées, deviennent la propriété de l'État, et toute la production et la distribution est dans les mains d'État. Mais ça se passe très très mal, en fait. Donc il y a ce qu'on appelle le communisme de guerre, et donc c'est tout un pays, toute l'économie est en fait est mise au genou, est réorganisée en fonction de cette guerre, qui se prolonge. Et c'est la grande, grande misère partout. Donc, en fait, il y a des... Il y a des détachements de l'armée qui vont réquisitionner tout ce qui est la bouffe à la campagne pour faire donner à manger aux villes. Et ça se passe très mal, il y a des massacres, la famine qui s'installe à la campagne. Et puis il y a plusieurs industries qui commencent à mal fonctionner, des usines qui tombent en panne. Il y a la mine de charbon qui s'arrête tout doucement. Et donc à un moment, il n'y a plus de charbon non plus. Il faut savoir, tout le transport à ce moment-là était par train. Donc à ce moment-là, ils ont dû commencer à brûler du bois dans les fourneaux des locomotives, en fait, pour continuer à marcher. Et puisqu'il n'y avait pas de charbon, en fait, les usines aussi, l'une après l'autre, commencent à fermer. Et c'est la crise économique totale, avec la famine un peu partout. Entre-temps, il y a eu des années de sécheresse, notamment en 1920-1921. Il y a des guerres, des hivers très durs, très froides, exceptionnellement. Déjà en 1917, il y a eu ça, mais aussi en 1920-1921, et il n'y a plus rien qui va. Et donc, en fait, à partir déjà de 1918, en fait, il y a des restrictions paysannes dans tout le pays. En 1918, il y en a eu 245, je pense, dans tout l'Empire russe. Et donc, ça pète dans tous les sens. Donc, il y a tout le temps l'armée qui doit intervenir, qui mate les insurrections. Il y a quelques insurrections qui ont plus de succès de l'autre, notamment l'armée insurrectionnelle anarchiste en Ukraine, qui tient plutôt la route. Mais c'est tout le temps la guerre, tout le temps. Et les gens, ils en ont complètement marre. Et qu'est-ce qui se passe à Petrograd, où les usines ferment l'une après l'autre, où il y a un rationnement, il n'y a plus de quoi chauffer. Donc les gens, c'est seulement quand on détruit des maisons en bois, qu'on peut encore vendre, acheter sur le marché noir du bois pour se chauffer. Et puis il y a un rationnement du pain avec différentes catégories. Donc les gens qui travaillent dans les usines avec un travail très dur, ils ont plus de pain, ils ont par exemple 1 kg de pain par personne. Et puis les personnes qui sont considérées comme moins productives, ou des portions plus petites ou très peu. Mais c'est aussi la conséquence, puisque les usines ferment, les gens, ils n'ont plus droit à leur ration de travailleurs d'usine. Donc il y a une sorte de spirale infernale, en fait, où l'économie se plante complètement, les usines ferment et les gens crèvent de faim. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est, en fait, en tout ce temps, Kronstadt était déjà vu comme une menace par le gouvernement, puisqu'ils continuaient à faire leur commune libre, et donc formellement ils appartenaient à l'armée rouge, ou à la marine rouge, disons, mais ils étaient très autonomes, et en fait ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, plus ou moins. Et pendant tout ce temps, en fait, les bolcheviks ont essayé d'infiltrer l'île et la marine. Ils avaient des espions partout. Ils ont vraiment essayé de contrôler les soviets de l'île, etc. Mais ils avaient vraiment du mal à mettre la main dessus, et c'était considéré comme une menace. À la fois, c'était un peu la fleur de la révolution, mais c'était aussi une menace parce qu'ils étaient vraiment révolutionnaires, et voilà, ils n'étaient pas forcément bolcheviks. Et donc la ville, en fait, était fermée, et il y avait une interdiction de sortir de la ville. Et donc tous les soldats, les marins et tout le monde, ils sont restés pendant des années, en fait, après 1917, ils sont restés sur place. Il y en avait très peu qui sortaient de là. Mais ce n'est pas tenable, parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont là depuis 6 ou 7 ans, qui n'ont pas pu rentrer à la maison. Ils sont quelque part obligés de donner congé à une certaine partie des marins et des soldats, qui repartent dans leur région et qui voient qu'est-ce qui se passe, donc, qui voient la famine, qui voit les réquisitions de nourriture, qui voit la répression, qui voit la misère, qui voit aussi, enfin, il y a énormément de gens qui meurent. Donc les villes, enfin, il y a la moitié de la population de villes qui disparaît. Et voilà, et donc les yeux s'ouvrent des marins et des soldats de Kronstadt qui rentrent. Enfin, il y en a qui ne rentrent plus, mais il y en a aussi qui rentrent et qui viennent avec les histoires de qu'est-ce qui se passe réellement dans le pays. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à Petrograd, en février 1921, en fait, c'est la grève, quoi. La grève éclate partout, dans toutes les usines. La ville est à l'arrêt. Il y a des manifestations. En fait, il y a même l'armée, il y a des unités de l'armée rouge qui fraternisent avec les manifestants, qui ne veulent pas les réprimer. Mais en fait, ce qu'ils font, comme on faisait dans le temps des tsars, quand il y avait des grands mouvements dangereux, des manifestations, on appelait les cadets militaires. En fait, ils ont fait exactement la même chose, le gouvernement bolchevique. Ils ont sorti les jeunes cadets, voilà, qui ont peut-être 16, 17, 19, 18 ans, et pour tirer dans les foules, pour mater les démonstrations. Il y a énormément de militants politiques qui sont arrêtés, des gens des organisateurs de grève, des syndicalistes qui sont arrêtés. Donc ils remplissent des prisons, des camps de concentration avec leurs opposants. Et en fait, c'est quand toutes ces nouvelles arrivent à Kronstadt, parce que ça ne va pas juste comme ça, parce qu'on essaie vraiment de ne pas laisser filtrer les nouvelles à Kronstadt. Mais à un moment, quand même, ça passe. Et à ce moment-là, c'est en fait, il y a un comité révolutionnaire, disons, qui s'installe à Kronstadt et qui se déclare en fait solidaire avec les travailleurs et la population de Petrograd, et qui fait un cahier de revendications, un cahier notamment avec liberté de presse, la réélection, des élections libres pour les soviets, libres et secrètes, parce que tous les soviets étaient entre-temps pris en main par les bolcheviks, qui avaient mis leur personne là-dedans. Et donc ils demandent des élections, ils demandent la liberté de la presse, liberté d'association, la fin de toutes les mesures de répression. Et voilà, et donc il fâche vraiment, tu vois, le soviet de Petrograd et le gouvernement bolchevique à Moscou, qui envoie des hauts responsables pour menacer, pour dire: si vous continuez, on va pas, les bolcheviks, ils vont pas céder le pouvoir, et si vous essayez, on va vers une confrontation armée. Et voilà, à Kronstadt, le comité révolutionnaire et donc les grandes assemblées refusent de céder aux revendications du gouvernement bolchevique. Et comment ça s'organise? Donc déjà, ils réorganisent de nouveau toutes leurs communes libres, leur approvisionnement et tout ça. Et ils s'organisent en fait parce qu'ils s'attendent à la possibilité d'une attaque par l'armée rouge. Quoi qu'ils espèrent toujours, au début, ils pensent en fait que, puisque eux sont les grands héros de la révolution, qu'à un moment, que les bolcheviks vont quand même plier et qu'ils vont céder et qu'ils vont laisser organiser des élections libres. Donc, bien sûr, c'est une illusion, parce que sous aucun prétexte, Lénine et Trotsky et tous les autres, ils vont lâcher prise. Et voilà, donc ils décident d'envoyer des troupes d'élite à Petrograd pour attaquer Kronstadt. Maintenant, il faut savoir, ils savent aussi que... Enfin, ils ont toujours considéré Kronstadt comme une menace. Donc, en fait, ils ont, pendant des années, ils ont aussi affaibli Kronstadt d'une certaine façon. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, on appelait les marins, les soldats de Kronstadt pour aller donner un coup de main à gauche et à droite contre les armées blanches, contre les insurrections, des choses comme ça. Et ils ont sorti beaucoup de matériel aussi, des armes de Kronstadt. Ils avaient arrêté d'approvisionner, de donner à manger, en fait. Parce que normalement, tous les mois, il y avait des provisions qui arrivaient. Ils avaient arrêté ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont vendu l'or des banques russes pour aller acheter du charbon aux États-Unis et pour acheter des vivres un peu partout à l'étranger. Ils ont retiré en fait les comités communistes, les gardes communistes dans les usines, tu vois, et tout ça. Ils les ont retirés, ils ont arrêté un peu la répression. Ils ont lâché des syndicalistes arrêtés. Ils ont donné à manger à tout le monde. Il y a du charbon qui est arrivé. Et du coup, les grèves, ça pèse un peu partout à Petrograd. Et voilà, la Kronstadt se trouve isolée, en fait. Donc, entre-temps, il y a l'armée rouge qui arrive. Et En même temps aussi, c'est le dixième congrès du Parti communiste à Moscou, où on lance la nouvelle politique économique. Donc ils avaient bien compris que le pays allait vers une catastrophe totale. Donc les bolcheviks, ils ont dû changer de cap, de changer le système économique. Donc ils ont réouvert en partie, après ça, une forme de marché libre et des choses comme ça. Ils ont reprivatisé certaines usines parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer l'économie, à faire tourner l'économie. Aussi, Lénine, le 8 mars, annonce la journée de la femme. Et en même temps, en fait, on lance l'attaque sur Kronstadt. Le 8 mars. Et en fait, ils utilisent les gaz de guerre, par exemple, contre les navires. Donc il y a une avisation et ils veulent aller vite, ils mettent tout le paquet parce que en fait à partir de mars, en fait, la glace commence à fondre dans le nord de la Baltique et à ce moment-là ils savent encore traverser la glace pour arriver jusqu'à l'île et s'ils avaient attendu encore quelques semaines, l'île serait redevenue imprenable, disons. Là ils avaient passé par la glace, donc ils ont mis le paquet quoi. Donc il y avait à peu près 15 000 insurgés sur l'île, donc personne, des soldats, des marins et d'autres qui ont défendu l'île. Et puis il y avait plus que 50 000 au début, après il y en a encore qui sont arrivés de l'armée rouge, avec un armement incroyable, notamment des gaz de guerre, etc. Une aviation, des choses comme ça. Et voilà, et en 10 jours, ils sont arrivés à casser la résistance. Voilà, c'est un peu au même moment aussi qu'on attaque l'insurrection makhnoviste en Ukraine. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout se termine en fait pour tout ce qui existe comme opposition en Russie, donc notamment les anarchistes, mais pas que les anarchistes, hein, toutes les autres socialistes, tous les poils et les plumes, tu vois, tout le monde était réprimé, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes, tout le monde, c'était la carte pour tout le monde. Et voilà. Et donc, c'est un peu la fin. Et en fait, c'est grâce à une pression internationale, notamment de Victor Serge et d'autres, que tous les prisonniers anarchistes, enfin beaucoup de prisonniers anarchistes, ont été libérés et ont été bannis, en fait. Notamment Volyn, parce que Volyn, il était en Ukraine à ce moment-là, mais il avait le typhus, donc il est rentré, je pense, à Moscou, où il a été arrêté par la Tchéka, et donc la police secrète bolchevique. Il était en prison, ils l'ont voulu envoyer en Sibérie, mais il a été libéré. Donc il y a pas mal de gens qui sont partis à ce moment-là, ou qui se sont échappés, et qui sont partis en Europe de l'Ouest, en grande partie. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en France aussi. Et voilà, et c'était la fin de Kronstadt. Manon Volyn, qui a écrit ce livre, qui nous raconte en fait toute cette histoire, c'est aussi un personnage assez intéressant, en fait. Donc lui, il est d'origine juive, à la base, il est socialiste révolutionnaire, mais il a dû quitter à cause de son agitation. En fait, c'était un des fondateurs du premier soviet de Petrograd en 1905 aussi. Il y a un moment, il a dû quitter en 1906, je pense, il est parti en France. Puis il a été un peu partout, mais il a habité beaucoup par là. Et c'est en France qu'il devient anarchiste, en fait, parce qu'il rencontre des anarchistes en 1910-1911. Pendant la guerre, il est banni de la France, il est expulsé en 1916 parce qu'en fait il agitait contre la guerre avec d'autres anarchistes. Donc il a dû partir, il est parti aux États-Unis. Puis en 1917, après la révolution de février, il est arrivé à Petrograd. Donc, oui, avec son journal qui s'appelait le Golostruda, c'était un journal, à ce moment-là, un hebdomadaire anarcho-syndicaliste. Et en fait, il s'installe après la révolution d'octobre, et ça devient un quotidien. Et directement après la révolution, en octobre, il écrit déjà « Les bolcheviks, une fois consolidés et légalisés leur pouvoir, en tant que socialistes étatistes qui croient en la direction centralisée et autoritaire, commenceront à diriger la vie du pays et du peuple du sommet. Les bolcheviks développeront une autorité politique et un appareil d'État qui écraseront toute opposition avec une poignée de fer. » Et il fait valoir l'idée que le slogan « Tout le pouvoir aux soviets » signifie en fait « Tout le pouvoir aux dirigeants du parti ». Donc il voyait très clair. Il est aussi parti en Ukraine à un moment où il a été coordinateur en fait du comité révolutionnaire de l'armée insurrectionnelle. Il a développé tout un service éducatif en fait au sein de l'armée. Et voilà, donc il a tout vécu avec Archinov, avec Makhno, avec tous les autres. Et voilà, il rentre à Berlin parce qu'il était toujours banni en France, il ne pouvait pas rentrer en France. À Berlin, il rejoint la FAU, hein, nos amis, ouais. Et voilà, puis à un moment, en fait, il y a une sorte d'amnistie en France, donc il peut rentrer en France, où il s'installe avec les autres Russes, Makhno et les autres. Et puis il joue un rôle, tu vois. En fait, il avait déjà eu la tâche en Ukraine de développer une synthèse anarchiste, en fait, une manière de regrouper toutes les tendances différentes pour arriver à une sorte de synthèse anarchiste unifiée. Et en fait, il a continué ce travail par après. Donc, d'un côté, il y avait les émigrés russes en France qui ont écrit la plateforme, qu'on appelle les plateformistes, donc qui ont tiré leurs conclusions de leur échec, l'échec anarchiste pendant la Révolution russe ou après la Révolution russe. Et qui en tire les leçons. Et puis, lui, il traduit ça en français, la plateforme. Mais en fait, il n'est pas d'accord. Donc, il développe un contre-argumentaire. Et il est un des fondateurs, par exemple, de la Fédération anarchiste aussi. Mmh. Qui vient de cette tradition de la synthèse anarchiste, où on essaie de regrouper toutes les tendances dans une fédération. C'est vraiment de là que ça vient. Puis dans les années 30, il commence à écrire son chef d'œuvre, hein, La Révolution inconnue, qui est édité après sa mort. Donc il est mort en 1945. Il a participé à la résistance en France, la résistance contre les nazis. Et puis c'est après sa mort, en 1947 ou en 1948, que le livre a été publié par ses amis et sa famille. Puis il y a une réédition en 1986 faite par son fils, parce qu'il avait retrouvé des conclusions qu'il fallait faire rentrer dans le livre. Et voilà, le livre, maintenant, il est traduit dans je ne sais pas combien de langues. Et je le recommande vraiment parce que ça lit comme un train, quoi. C'est vraiment... C'est comme lire un roman. C'est fascinant. Passionnant et fascinant. Voilà. Fascinant. Oh, mais je parle trop longtemps, on a dépassé l'heure. Non, mais ça va. Ouais, Transgenard n'a pas l'heure. Hein. Ouais, on n'a pas l'heure, ouais. Ouais, et donc, il y a le couvre-feu. Voilà, on a dépassé le couvre-feu. C'est très bien comme ça. Oui, mais on a des papiers à remplir, de toute façon, pour le couvre-feu. Voilà, je termine là. Oui. Voilà. Nicole me l'a dit, en fait, sur l'article Wikipédia sur la révolte de Kronstadt, en bas, il y a des liens vers des documentaires qui ont été publiés par Arte. En 2005. En 2005. Ouais. Sur la révolte de Kronstadt. Ouais, je sais, Arte a fait, je pense, en 96, je ne sais plus quand aussi, ouais. Un documentaire. Ça s'appelle La Révolution russe en couleur, et c'est Yann Lillet qui a fait ça, et c'est sur Arte, et c'est deux épisodes de 52 minutes, et donc vous pouvez les voir en ligne, puisque si vous regardez sur la révolte de Kronstadt, la révolte de Kronstadt, oui, c'est ça, sur wikipedia.org, ben vous avez tout en bas, audiovisuel, vous pouvez avoir le lien pour regarder. J'ai tout mis sur le blog de transgenard.noblogs.org. Il y a le lien vers magnifique. Wikipédia, il y a aussi le lien vers Violine inconnue, voilà. La révolution inconnue. Ouais. C'est ça commence à être fatigué. Le documentaire, ouais. C'est l'histoire des marins de 1917 à 1921. Voilà, donc c'est assez intéressant. Avec des photos, des... Il y a aussi un documentaire sur l'insurrection de Macno, oui, qui a été diffusé sur Arte quelque part dans les années 90, mais je ne sais pas si c'est consultable en ligne. Moi, je l'ai quelque part sur une cassette VHS, en fait. Ah, oh, c'est vieux, ça. Il faut avoir, encore avoir l'appareil. Ouais, ouais, ouais. Le bon vieux temps. Ouais, ok. T'avais encore une petite musique? Oui, il y a encore une petite musique sur Kronstadt, en russe. Je ne sais pas si c'est fait par nos amis ou nos ennemis, mais voilà. C'est une petite musique russe sur Kronstadt. Прощай, Кронштадт, путь на запад, на закат. Погляди, волна залива провожает путь счастливый. И плывая из тумана голубой, как поплавой, провожает нас нежданно одинокий огонек. И среди пути помним мы, как отчий дом, отблеск света голубого над кронштадтским маяком. Ты прощай, город наш, прощай, прощай, Кронштадт. Уходим мы в путь на запад, на закат. Хоть сто лет не видеть суши, хоть сто лет придется плыть, огонек дави мелькнувший, будем в памяти хранить. И среди пути любого вспомним мы, как отчий дом, отблеск света голубого над кронштадтским маяком. Ben voilà, ça c'était l'émission Transgenre d'aujourd'hui, le 3 mars. Et je vais vous annoncer l'émission prochaine qui est le 10 mars, le mercredi soir à 21h. C'est l'émission À la cloche de bois. Donc c'est une émission qui parle de squat logement. Et ça sera aussi, ça parle surtout sur la vécu des femmes dans les squats. Et donc c'est vraiment très intéressant. Il y a deux chouettes reportages et ça vaut vraiment la peine. Donc je vous conseille d'écouter l'émission Transgenre À la cloche de bois le 10 mars, mercredi prochain. Et à le voir aussi, oui, c'est vrai, le 8 mars, normalement, si tout se passe bien, on fait une couverture de la journée ensemble avec Radio Panique, en collaboration. On doit encore s'organiser, mais on fera quelque chose. Probablement, on a une émission en direct, plutôt quelque part dans l'après-midi. Mais tout ça, on va vous essayer d'annoncer quelque part au plus vite. Ben, on termine ici. Termine et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Venez toutes les femmes là, le 8 mars c'est important parce que bon, le problème des droits des femmes c'est pas encore réglé. Ouais, et les hommes peuvent aussi soutenir ces journées-là. Les hommes et reprendre aussi toutes les tâches. Okay. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.